C'est la crise financière, c'est pas... C'est la crise financière, il y a du sang sur le goudron, c'est pas les Chinois, ni même leur gouvernement. Est-ce que leur ment, est-ce qu'on leur ment?